tête n'est là-bas. Une terre rien sauvage, mais là elle l'a trouvée. Et sur son île elle est restée. Et j'ose et elle s'est dit, je sais que c'est ici, cette terre m'est destinée. Et sur son île elle est restée. Elle a traversé les mers, elle a quitté son hiver pour un nouveau continent. Elle a débarqué un jour après quelques détours sur une plage de sable blanc. C'est un endroit charmant avec un unique habitant, ce Robinson dont elle a rêvé. Une autre vie qui commence, une aventure, une romance, un peu comme le conte de fées. Comme les pharaons d'Égypte ont construit les pyramides sur les terres les plus sacrées, au bord d'une île elle est restée. Comme la fleur dans le désert a besoin de la rivière pour naître chaque année, au bord d'une île elle est restée. Elle a quitté ses forêts, traversé des déserts, suivant les routes des marchands. Son amour ici aux sources.